kelekele juu ya Bwana, shangwe leo tuna imani furahi. Bikelekele juu ya Bwana, ametulinda, ametuchunga. Yesu yule, Yesu yule Bwana, shangwe leo tuna imani. Nous ne sommes pas dans les cimetières, mais nous sommes dans la maternité, raison pour laquelle nous prions. Hosanna, c'est lui qui dit d'éternité en éternité. Sambuna nyosanga mesadila mono mume pesange lukumwe. Nambi ya zulu paka lukumwe. Hakuna mungu mwingine kama wewe, hakuna jina lingine kama yako. Unastahili sifa Bwana, bikele kele kwako. Shangwe leo tunaimba na furaha. Tuleimba tule shana amakaye nuteti ndondolele Yesu yule. Nesa Mulungu wa pangu Kuzina bakusi, ebandeli pesuka, mokote lokola Yesu, peso tone tolie, bikele kele, tona Yesu, mokote azalokola Yesu. En Jérusalem, je me rappelle le jour où tu es entré. Il y avait écrit, toujours oh oh. Sans des cris de joie à l'ombre de notre Dieu. Yesu wetu ni muzima e, ameketi kumukono ya kume ya baba mungwe. Bikele kele na shangwe ya Bwana Yesu. Lato muka mama sanjoli ezonga, omaka yo na meso sala pona ngatika na belela. How great are you down at the cross? Jesus, we magnify, we glorify your name. Una maweja nabiye ke, nabiye, nabi kele kele, dana moye. Mwambulu mwine miuya yoso tumbo hiyole ave yenka kita kwa jabumi. Yesu mulokwe wami tobe bona manyita kupikia bikele kele shukurani kurutilie Mungu wangu wa mapendo utufungulie mbingu kwa sauti tukutolee sifa zile unazo tamani. Natina ngamo sala seko kumisa yo osala esengo na yo yangone makasi nanga yawe uteli likolo na se na moni mosusu te kaka yo yaya yangona kumisi yo kikele kele tu ya Bwana wangu shangwe leo. Habitants de la terre, célébrez son nom car il est bon, sa miséricorde dure toujours. Tu vigueres qu'elle est, tu vigueres qu'elle est. L'homme le plus heureux, je le suis. Pourquoi ne pas danser, louer, célébrer, crier pour mon Jésus? Jésus, tu es-tu mon Jésus? Au revoir. Na Nasanga kitina, kope singa itina. Yango na yembeli yo, sambe na po. Ikele, ikele, na yawe, tuyabwana. Oh, chameleo, tunayimba na fura. Nangwende na yo ya bon konzi, biso nyonso toko baluka. Toko kumisa yo, tolobi Yesu tongwa me. Ikele, ikele, oh. Chamwelele, chamwelele. Mubadili ya bomo inangai, alala kape ya lemba kate. Papa pape ba mama tobe tela ye chikele kela. Bikele kelise, bikele kele na soke pana yo. Malasi kitoko yo. Manasi kitoko epanda yo yawe. Ah, loke munyoso ezali ya yawe. Yango toko yemba bikele kele. Anja manja kankundului la bikele kele milolo. Twa ishi leo kwa nema ya kubwana. Bikele kele, oh, tuya kwana. Kwana mungu wele, deswe. Votre Dieu mérite des cris de joie et des acclamations, car il a fait des merveilles dans nos vies. Ikele, ikele, acclamons-le. Miya mani alo na kuima musambo edisanga pani mababu sabo ambo mukunza papa. Ikele, ikele, Ikele, tu ya mungu wangu. Shangweleo, tunaimba na fura. Oh, la louange et la gloire, l'honneur et la puissance à celui qui règne à jamais. Ikele, à toi la gloire, Seigneur. Je te loue. C'est que t'as fait de moi une créature merveilleuse. De ton amour tu m'as sauvé. Oh, voilà pourquoi je te loue. Tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel, car il est vivant pour nous, pour toujours éternellement. Ikele, ikele, quoi qu'on voit dans le jour, chamele, yo bongi na kembo, kikolo ya yo. Oya kanga mono kaba kosi ya sili sama kasi na moto. Kombo na Yesu lo. Wo wo to yembela nani to kumisa seyo eh. Oza mokonzi ya mampinga. Yeah yeah yeah. Ikele ikele. Ikele ikele. Chamwele. Oza imba na fura. Lokola kikele kele zanga katela libala. Beti yanga mololo na zinde libala yanga na masia e. Utumishi kweye owa zambi. Kembo kembo osana aleluya o. Kembo kembo osana. Mana kukuta hey kembo, kembo, oh na sante tu babu la batu de timbo sana haleluya bwalu yesu si muta kuche kembo, kembo, sana haleluya betu imbilange beto sadira Tutto sangani pona kuimbela Mokozi na bekonsi Kembo Osana, Alleluia. Mon esprit te célèbre le sujet de ma joie. Sifana, shangwe na utukufu ni vya mungu etu. Kembo, Kembo, Osana, Alleluia. Abinga langa langa ebi ukano Ukoma koma mubia kulonga Yesu. Kembo, Kembo, Osana, Alleluia. Louange à toi, Jésus-Christ, notre rédempteur. Alléluia. Mon péché n'a ni soyaya. Mon péché n'a pas les aïeux. Et à mon apostille. Alléluia. Oh la paix, awa, na se. Toko y est bien à moi, n'a n'a pas de. Alléluia. Que les anges les rachetés de ses lèvres. Kembo, Mungu wa uwezo, hakuna Mungu kama wewe. Kembo, Hallelujah. Tobeti maboko, tobeti milolo, pa mama baye mizembo. Kembo, Hallelujah. La gloire et l'honneur reviennent à toi. Tu as né digne, oh Jésus. Kembo, Nokumu, Masanzoli, Ezali, Ayo. Kembo, la Yahweh, Hosanna, la Yahweh. Sifana, Kapumu, Nibia, Kobaba, Ayaya, Maloba, Ezalinga, Pona, Kumisa, yo, Yaya. Signo sona motema mobimba atema kile boinga na kotika yoti. We praise you, we glorify, we magnify your name. No, Kembo, Kembo, Kembo, Kembo, Yahweh. Siwezi kwacha Yesu natisuya na uchana wangya. Mwifa kumwana wani wapimbile chinchoke. Hosana, Hallelujah. Sangwe wa moyo jibadibaka nja kukuimbila Elohim wanyi. Kembo, Hosana, Hallelujah. Hallelujah na mwana na Dawidi oyo toko yembela. Kembo, Baba yendiye. Ujika yeba, zambi wakwe yemena. Ah, bah.